Devadatta, scène et récit de la vie hindoue de Théodore Pavie. Chapitre 1er, l'orphelin. Il y a déjà quelques années, au printemps, une épidémie meurtrière ravagea plusieurs provinces de la presqu'île indienne. Dans l'Andjore surtout, la mortalité fut si grande que les vivants ne suffisaient plus à rendre les derniers devoirs aux morts. Les pagodes ne retentissaient plus du bruit des instruments qui accompagnent les sacrifices. La conque marine ne résonnait plus sous les voûtes des temples. Les brahmanes, fatigués d'implorer en vain la miséricorde de leurs dieux, renonçaient à déposer aux pieds des idoles les offrandes accoutumées. La confiance la plus aveugle dans l'effet des incantations et des prières magiques succédait le plus profond découragement. On ne voyait plus les femmes et les jeunes filles prendre leurs ébats dans les eaux des étangs consacrés. Sur les marches, qui entourent ces piscines révérées, gisaient quelques moribonds abandonnés de leurs proches. Durant le jour, les malades, tremblants de la fièvre, se traînaient hors de leur demeure pour exhaler leur dernier soupir à la clarté de ce soleil ardent qui semble l'image de la vie. Pendant les heures de la nuit, au milieu des ténèbres rendues transparentes par l'éclat des astres, les bêtes fauves se répandaient dans les campagnes où tout mouvement avait cessé et poussaient des hurlements de joie. Elles rôdaient autour des bûchers à demi éteints sur lesquels brûlaient lentement des cadavres entassés. Cependant, le ciel était d'une sérénité parfaite. Les oiseaux, aux vives couleurs, brillaient comme des fleurs animées sous l'épais feuillage. Au flanc des montagnes, les forêts arrondissaient en dômes azurés leurs robustes troncs gonflés d'une sève surabondante, et les ruisseaux, roulant en cascade au fond des ravins sous des berceaux de lianes, portaient gaiement au fleuve de la plaine le tribut de leurs ondes bienfaisantes. Tout paraissait allègre et florissant dans la nature. L'homme seul mourait sous l'influence mystérieuse d'un poison subtil. Ce qui mettait le comble à l'exaspération de ces hindous si cruellement éprouvés, c'était de voir que le fléau qui les décimait ne sévissait point avec la même intensité parmi les villages chrétiens disséminés dans le Tanjore. Cette différence tenait sans doute à la manière de vivre plus sage et mieux réglée des indigènes convertis au christianisme. Ceux-ci usaient d'une nourriture plus substantielle. Résignés et confiants dans la providence, ils éloignaient de leurs esprits la crainte et le découragement en se livrant à leurs travaux habituels. Les missionnaires qui dirigeaient ces petites chrétientés allaient et venaient d'un village à l'autre, visitant les malades, leur administrant quelques remèdes, les empêchant surtout de prendre les drogues inefficaces et même dangereuses que les empiriques du pays font boire aux patients, quel que soit le mal dont ils souffrent. Il y avait donc parmi les chrétiens moins de victimes que parmi les idolâtres, et ces derniers nourrissaient contre les sectateurs de la foi nouvelle des sentiments de haine et de vengeance. Aussi, un missionnaire européen, le père Joseph, qui habitait la province depuis de longues années, avait voulu traverser un village païen dans ces tristes circonstances. La population valide s'ameuta sur son passage. Le prêtre voyageait seul, monté sur un de ces petits chevaux de l'Inde, aux allures douces et rapides, que l'on nomme Tatou. Dès qu'il parut devant les premières maisons, un vieux brahmane qui avait le front et la poitrine frottés de cendres, selon la coutume des sectateurs de Siva, lui barra le chemin avec colère. « Que viens-tu faire ici, envoyé de l'enfer ?» lui dit-il. « Toi, dont la présence sur le sol sacré de l'Inde a provoqué la vengeance de nos dieux ?»« Arrière, arrière !» crièrent à leur tour quelques gens de basse caste accroupis devant leur boutique fermée. « Viens-tu ici pour te réjouir du spectacle de nos maux ?»« Je viendrai plutôt pour les soulager, si vous consentiez à m'écouter, » répondit le père Joseph. « Vous ne savez pas vous traiter, et vos remèdes font autant de victimes que la maladie. »« Vous voyez bien qu'il veut nous faire périr tous avec ses drogues empoisonnées, » interrompit une femme âgée qui essayait de se soulever sur son bras débile. « Maudit soit l'impie, l'ennemi de nos dieux, bah !» et qu'à ta dernière heure, la goutte d'eau que tu demanderas pour étancher ta soif te soit refusée. » En achevant ces paroles de malédiction, elle gratta la terre avec ses mains crispées et essaya de lancer une pincée de poussière à la face du prêtre étranger. À cette formule d'imprécation succéda une clameur générale. Des pierres furent jetées au père Joseph, qui se retira lentement, sachant bien que les hindous aiment à crier, à maudire, à gesticuler, mais en viennent rarement à des voix de fête. Bientôt les cris cessèrent, et cette population, un instant surexcitée par la colère, retomba dans un morne abattement. Quant aux missionnaires, il poursuivit sa route en faisant le tour du village inhospitalier qui lui avait refusé le passage. Il était midi, la chaleur devenait accablante. Les palmiers sauvages qui se dressaient par bouquets sur le sol sablonneux ne répandaient au-dessous d'eux qu'une ombre étroite. C'était comme autant de parasols suspendus à de trop grandes hauteurs pour abriter la tête du passant. Le tatou et son cavalier commençaient à souffrir également de la faim et de la soif. Aussi, lorsque se présenta au tournant de la route un petit ruisseau bordé sur ses deux rives d'une végétation plus abondante, le cheval s'arrêta et le père Joseph mit pied à terre. Le lieu était bien choisi pour faire halte. Ce petit coin de terre, couvert d'ombre et rafraîchi par une eau courante, semblait une oasis au milieu d'un pays brûlé par les feux d'un soleil impitoyable. Tandis que le cheval, débarrassé de la bride, broutait quelques touffes d'herbe, le père Joseph tira de son sac un pain blanc, des bananes, avec deux ou trois de ces oranges monstrueuses, grosses comme des melons, que les créoles ont nommées des pamplemousses. Dans ces pays où l'homme respecte la vie des animaux, même les plus nuisibles, les oiseaux se montrent familiers jusqu'à l'impertinence. Des corneilles au dos luisant, à l'œil avisé, descendaient des arbres voisins pour venir becqueter les miettes qui tombaient de la main du voyageur. Le coucou noir courait sur les branches, battant de l'aile, faisant la roue avec sa longue queue et répétant sans cesse son cri assourdissant. Quelques vautours fatigués se tenaient stupidement perchés sur des arbres morts, le bec ouvert, la paupière abaissée, tandis que d'autres, flairant au loin une proie invisible, traçaient sur l'azur d'un ciel profond de grands cercles et montaient si haut que l'œil ne pouvait plus les distinguer. Ça et là éclatait sous l'épais feuillage un bruit sec accompagné de sourds glapissements. C'étaient de petits singes au pelage fauve qui brisaient sous leurs dents les noyaux des fruits sauvages et se poursuivaient en exécutant mille gambades. À coup sûr, ce spectacle n'avait rien de nouveau pour le missionnaire, qui parcourait depuis longtemps ces régions tropicales, dont la vieille civilisation des Ariens n'a point changé l'aspect primitif. Cependant, il le contemplait avec un certain plaisir. Tout homme aime à voir s'approcher de lui sans crainte et librement les créatures que la Providence a établies sur cette terre, qui est son domaine. Oubliant donc les menaces que les habitants du village avaient proférées contre lui, habitué d'ailleurs au péril comme au rude labeur de sa profession, le père Joseph savourait en paix son frugal repas. Il y a, dans la vie militante du missionnaire qui va porter aux païens la bonne nouvelle, des heures pleines de calme et de douceur. Ce sont les instants où, livré à lui-même et voyageur sur une terre étrangère, il se sent parfaitement dispos de cœur et d'esprit au milieu de sa pauvreté et de son isolement. Après s'être rafraîchi les pieds et les mains dans les eaux limpides du ruisseau qui coulait près de lui, le père Joseph remonta sur son cheval et continua sa route. Il avait à traverser d'épais alliés, où les rayons du soleil ne versaient qu'une lumière furtive. Aucune brise n'agitait les feuilles de ces buissons gigantesques, aux rameaux noirs et tortueux qui se mêlaient en tous sens. Sur le sol rampaient des plantes bizarres, aux couleurs foncées, les unes hérissées de longues épines, les autres découpées en fines lanières. Celles-ci, gonflées d'une sève vénéneuse, cachaient au fond d'une corolle empourprée leur suc mortel. Celles-là, desséchées et à moitié réduites en poudre, exhalaient dans l'air une senteur vivifiante. Le tatou s'avançait avec défiance au milieu du jungle. Les oreilles dressées, la tête basse et flairant le sol, il se tenait en garde contre les reptiles cachés sous le feuillage sombre. Tout à coup, il s'arrêta et hennit. Le père Joseph regarda autour de lui et, n'apercevant rien qui lui révélât l'apparence d'un péril quelconque, il s'efforça de pousser sa monture en avant, mais la bête sagace demeurait immobile. « Il y a là quelque chose, » se dit le père Joseph. « Mettons pied à terre et cherchons. » Parlant ainsi, il descendit et fit quelques pas en avant. L'instinct du tatou n'était point en défaut. Sous un buisson épais se trouvait gisante une femme encore jeune, que ses vêtements blancs et sa tête rasée faisaient reconnaître pour une veuve. Elle tenait entre ses bras un enfant d'un à deux ans qui paraissait dormir sur le sein de sa mère. Le père Joseph se pencha vers la pauvre femme et lui prit les mains. « Qui êtes-vous ? » dit celle-ci d'une voix faible. « Qui êtes-vous donc, vous qui n'avez pas horreur d'une munda ? » ?»« Et vous ? » reprit le prêtre chrétien, sans répondre à sa question. « D'où venez-vous ? Où allez-vous ? » « Mon mari est mort, il y a un mois, » repartit la veuve. L'épidémie l'a enlevé à la fleur de l'âge. Pourquoi m'a-t-il quitté? Pourquoi m'a-t-il laissé seul en ce monde où je suis condamné à traîner une existence misérable? Maudits soient les dieux qui me l'ont ravi. Quand le corps de mon époux a été consumé sur le bûcher, toutes les femmes de ma famille m'ont embrassé en pleurant, puis elles m'ont arraché le cordon auquel était suspendu le bijou que je portais à mon cou. Tout était fini. De femme mariée, objet de respect pour toute ma caste, je tombais au rang méprisable de Munda. Le barbier est venu, il a rasé ma chevelure. Quand j'ai vu tomber ces cheveux si longs et si fins que j'avais portés depuis mon enfance, relevés en natte sur le sommet de ma tête, j'ai ressenti une telle douleur que j'ai pris la fuite. J'ai couru, couru comme une folle, droit devant moi, sans m'arrêter, en proie au délire. Mais pourquoi vous raconter ces choses? Pourquoi me les demandez-vous? Je suis presque morte de faim. Ma vue est troublée. Je sens que je vais mourir. Prenez ce morceau de pain, dit le père Joseph. Il faut vivre pour votre enfant et pour vous-même. Mais qui êtes-vous? Demanda de nouveau la veuve en fixant sur son interlocuteur de grands yeux presque éteints. Ah, vous portez la robe noire d'un padre. Je comprends que vous n'ayez pas eu horreur d'une veuve. Vous enseignez des choses étranges, vous autres. Vous êtes pire que des parias, et vous seriez capable de manger de la chair de bœuf. Éloignez-vous de moi, allez, allez, vous dis-je. La veuve d'un Branham ne peut supporter la souillure de votre haleine. Pendant que la brahmanie prononçait ces paroles avec une exaltation fiévreuse, le padre avait présenté à l'enfant le morceau de pain que sa mère refusait d'accepter. Celui-ci le mangea avidement et but à longs traits l'eau fraîche que le missionnaire était allé puiser au ruisseau voisin. La vie semblait renaître dans cette frêle créature qu'un jeûne prolongé avait mise à deux doigts de la mort. L'enfant regardait en souriant le prêtre étranger et lui tendait ses petites mains. Le père Joseph cherchait un moyen de sauver la malheureuse veuve qui s'obstinait à périr de faim au fond de ce hallier. « Voyons, lui dit-il après un moment de réflexion, laissez-moi vous placer sur mon cheval, et je vous conduirai dans le plus prochain village. »« Non, répondit la veuve, non, laissez-moi mourir. »« Et votre enfant, reprit le padre, voulez-vous qu'il expire près de vous dans ce jungle pour y être dévoré par les chacals ?»« Mon enfant, répliqua la veuve en fermant les yeux, mon enfant, je ne puis plus le porter, je n'ai rien à lui donner. » Pourquoi son père est-il parti pour l'autre monde malgré mes larmes et mes prières? Ils ont rasé ma chevelure, ils ont fait de moi une Munda. Allez, allez-vous-en. Votre enfant, répéta le padre, votre enfant, que va-t-il devenir? La veuve ne répondit rien. Une fièvre ardente l'avait saisie, et tous ses membres étaient agités d'un tremblement convulsif. Elle balbutiait des paroles inarticulées, mêlées d'imprécations contre les divinités qui lui avaient enlevé son époux. Dans son délire, elle croyait être encore en face du corps de son mari, exprimant sa douleur devant la famille assemblée et prononçant avec les accents d'une éloquence passionnée les discours incohérents, pleins d'apostrophes véhémentes et de violentes images qui avaient servi d'oraison funèbre au défunt. « Au moins sauvons l'enfant, » pensa le père Joseph, et saisissant le petit hindou entre ses bras, il repartit au grand trot. Avant la nuit, il avait atteint le village de Tirebelli, lieu de sa résidence. Son premier soin fut de dépêcher quelques femmes auprès de la veuve pour lui porter secours. Mais celles-ci revinrent en disant qu'elles n'avaient rien trouvé. Il retourna lui-même le lendemain matin à l'endroit où il avait laissé la pauvre femme agonisante et ne fut pas plus heureux dans ses recherches. Avait-elle été rencontrée par quelques hindous de sa caste qui s'étaient intéressés à sa misère? Avait-elle repris sa course dans un accès de délire pour aller tomber à quelques lieues plus loin? Il ne put recueillir aucun indice de nature à lui faire connaître ce qu'était devenue la veuve. Selon toute probabilité, elle avait dû périr et l'enfant orphelin restait à la charge de celui qui venait de le sauver. « Eh bien, dit le père Joseph, ce petit brahmane fera un chrétien de plus. » Il le confia à une femme d'un âge respectable, nommée Monique, et qui jouissait d'une grande considération parmi les néophytes. Elle était chargée d'apprendre le catéchisme aux enfants et de surveiller les jeunes filles en l'absence de leurs parents. L'orphelin portait, en sa qualité de fils de brahman, le cordon d'investiture formé de trois brins d'une herbe appelée kusa, signe distinctif des castes régénérées, dont l'enfant doit être revêtu 6 mois après sa naissance. ce cordon lui fut enlevé, et la pauvre créature que la Providence avait jetée dans les bras du missionnaire reçut au baptême le nom de Déodat.